Je peux circuler sans aucun feu? Réponse A. En feu de route? Réponse B. En feu de croisement? Réponse C. En feu de brouillard avant? Réponse D.